Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, troisième et dernier épisode de notre série consacrée à Gaïa, l'ambitieuse mission de l'Agence spatiale européenne lancée cet automne et qui pendant 5 ans au moins va cartographier en 3 dimensions près d'un milliard d'étoiles de notre galaxie. Les défis technologiques associés à cette mission de très haute précision sont immenses, notamment par les volumes d'informations à analyser. Nous avons invité Benoît Frezoul, responsable système du Centre de traitement de données Gaïa au CNES, pour nous les décrypter. Benoît Frezoul, bonjour. Bonjour. Alors Gaïa s'annonce comme une mission assez exceptionnelle, alors scientifiquement, nous l'avons vu avec François Mignard dans le deuxième podcast de cette série, mais aussi technologiquement, on l'annonce comme la mission qui va représenter le plus gros traitement de données de l'histoire de l'astronomie, mieux que le célèbre Hubble. Oui, tout à fait. C'est la première fois que sur une mission astronomique, on va avoir de telles volumétries de données à traiter. Donc ça veut dire à stocker et puis à appliquer des algorithmes scientifiques de traitement de différentes natures sur cette grosse volumétrie de données. On parle de 2 milliards d'étoiles à traiter, à cartographier, à classifier. Alors ça représente combien, je pense notamment aux ingénieurs, aux informaticiens qui nous écoutent, ça représente quel volume en fait en fin de mission on s'attend à avoir à traiter? Alors on estime aujourd'hui que le catalogue fin de mission sera de l'ordre du pétaoctet de données. Alors on parle bien du catalogue, c'est-à-dire que pour générer un catalogue de 1 pétaoctet de données, il va falloir être capable de stocker et de traiter beaucoup plus de données que ça. Un pétaoctet, ça représente quoi en CD, en DVD Alors un DVD sur lequel on a un film aujourd'hui, on en imagine 250 000 les uns à côté des autres et on a un pétaoctet de données. 250 000 DVD, c'est le volume de données de la mission Gaïa à la fin. Voilà, exactement. Ça sera le catalogue Gaïa à la fin, 250 000 DVD. On aura des nouvelles technologies, je pense, qui nous permettront de les stocker d'un plus petit que ça. Alors, qu'est-ce que, justement, en parlant de ces données, quels sont les types de données que doit fournir Gaïa? Alors, il y a des données de type astrométrie, des données de type photométrie, des données de type spectrométrie. Donc ça, ce sont des données qui sont issues des 3 instruments du satellite. Et en plus de ça, il va y avoir des données visant à calculer les variabilités des étoiles. Des données visant à classifier les objets du système solaire, les étoiles multiples, les galaxies et les quasars, et puis des données qui représentent les paramètres astrophysiques de ce milliard d'étoiles qu'on aura observé. Alors, pour venir à ces 250 000 DVD, moi ça m'impressionne, c'est un chiffre quand même gigantesque sur à peu près 5 ans de mission, je crois. Ça veut dire que le satellite doit aussi envoyer ses données vers la Terre assez régulièrement. Comment ça se passe en pratique? Qui d'abord les réceptionne? À quelle vitesse sont-elles envoyées sur Terre, ces données? Le satellite va être en vision de station sol pendant des périodes de 8 heures. Donc, en 8 heures, il va descendre au sol environ 100 gigaoctets de données des 24 heures précédentes d'observation. Ces 100 gigaoctets de données vont passer par le MOC, le Mission Operation Center, qui va être à l'ESOC à Darmstadt. Puis c'est le SOC, Science Operation Center, qui prendra la main sur ces données à l'ESAC de Madrid. L'ESAC de Madrid qui accueille un des 6 centres de traitement que l'on appelle DPC. Alors on l'appelle DPCE pour Data Processing Center ESAC. Ce DPC joue le rôle de hub par rapport aux 5 autres DPC et distribue les données venant du SOC, distribue les données à tous les autres DPC. Les autres DPC y a en charge ensuite des traitements de second niveau sur les données reçues. Donc ça veut dire qu'il y a un nœud de centralisateur entre guillemets où les données sont réceptionnées. D'ailleurs, c'est quelles antennes qui vont réceptionner? Alors les il va y avoir Cebreros, New Norcia, et une antenne à Perth en Australie. Donc 2 antennes en Espagne, les 2 premières, oui. C'est ça? Et puis une autre en Australie. Oui. Alors donc les données sont réceptionnées, vous l'avez dit, à Darmstadt, envoyées en Espagne, oui. Et donc ensuite dispatchées, si j'ose dire, dans plusieurs centres. Vous êtes, vous d'ailleurs, responsable de l'un des 6 centres de traitement de données mis en place pour Gaïa. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ces centres? Il y en a 6, quelles sont chacun leurs spécificités? Comment est organisé au sol finalement ce traitement de données qui va être gigantesque? Oui, Alors, d'une part, la volumétrie importante et puis la nature des traitements très différente sur les données en fonction des instruments. Chaque centre est responsable de faire tourner des sous-systèmes dédiés de traitement des données. Donc, le premier centre qui va recevoir les données à l'ESAC à Madrid, le DPCE, s'occupe des données d'astrométrie, on va dire quasiment en temps réel. Et puis, le centre qu'il tournera au CNES, que l'on appelle DPCC, pour Data Processing Center CNES, et le centre qui aura le plus grosse volumétrie de données à traiter, ainsi que le plus d'algorithmes différents à mettre en œuvre sur ces données-là. Et donc, par exemple, au DPCC, au centre donc, qui tournera au CNES, on est le support de trois thématiques scientifiques différentes. Alors, la première, on va dire, en termes de criticité, ça va être ce qu'on appelle les traitements spectroscopiques, de façon à s'assurer du bon état, de la bonne santé des instruments, notamment du spectromètre à bord du satellite. L'idée à la fin et d'en déduire les vitesses radiales des étoiles. Oui, donc le spectromètre lui va nous donner en fait la composante de la vitesse dans notre direction. C'est-à-dire c'est une des trois composantes. Dans la direction d'éloignement par rapport au satellite Gaïa. Et donc c'est à partir donc de l'analyse des spectres qu'on va déduire cette vitesse radiale pour toutes les étoiles qui auront été vues par le spectromètre. Il y a aussi le traitement des objets un peu particuliers, et notamment les objets du système solaire, qui ont pour caractéristique d'avoir un mouvement propre très important. Et donc, il y a un traitement qui va tourner tous les jours au DPCC, avec pour objectif de découvrir les nouveaux astéroïdes, donc de si on en découvre, et on va en découvrir, lever au plus tôt ce que l'on appellera une alerte scientifique pour poursuivre et suivre cet astéroïde depuis d'autres observatoires. Il va y avoir un réseau d'observatoires qui va couvrir l'ensemble du globe pour pouvoir suivre les nouveaux astéroïdes découverts par Gaïa. Et puis, il va y avoir des traitements qui auront lieu de façon plus cyclique, tous les 6 mois, pour calculer l'astrométrie des étoiles multiples, classifier les galaxies, et puis pour déterminer les paramètres astrophysiques. Alors donc c'est des calculs, vous l'avez dit, relativement complexes, enfin assez élaborés sur des données qui elles-mêmes sont très très volumineuses, très très nombreuses. C'est quelque chose, ce défi entre beaucoup de données finalement et des traitements, des calculs assez compliqués, auxquels vous aviez déjà été confronté au CNES, ou est-ce qu'il a fallu un peu inventer? Comment vous avez travaillé? Il a fallu inventer. On a travaillé en deux temps, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait une première maquette sur des technologies standards, d'abord pour valider les concepts, on va dire, algorithmiques et permettre d'avoir déjà, on va dire, un premier embryon du centre de traitement. En sachant qu'une fois que la volumétrie allait augmenter, on allait devoir changer notre fusil d'épaule. Et donc là, on a regardé un petit peu ce qui se faisait autour de nous. Et je dirais que les acteurs autour de nous qui avaient la même problématique que nous, c'était, on va dire étrangement, les acteurs du monde Internet. Et le premier d'entre eux, c'est Facebook, qui utilise une technologie qu'on appelle Hadoop, qui fait du big data, c'est-à-dire des traitements très élaborés sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'individus. On a un petit peu la même analogie, c'est-à-dire que nous, on a des traitements élaborés sur beaucoup d'individus. Pour nous, les individus, ce ne sont pas des êtres humains sur Terre, ce sont les étoiles dans le ciel. Donc, quand Facebook stocke des profils d'utilisateurs, nous, on va stocker les informations des profils d'étoiles. Et puis, on va appliquer dessus des traitements. Alors, quand Facebook va faire de la reconnaissance faciale sur des photos, ben, nous, on va faire de la classification d'étoiles, on va faire des calculs astrométriques. Voilà, c'est un petit peu Donc c'est Facebook finalement pas l'inspirateur, enfin disons ce qui se rapproche le plus de ce que vous allez devoir faire sur les données de Gaïa. En termes techniques, ouais, de on va dire de traitement de la donnée, de façon d'organiser la donnée pour la traiter, c'est vraiment, on a le même socle technique que Facebook, à savoir la technologie Hadoop. Donc une vraie mission du 21e siècle. Ah, exactement. Donc cette technologie Hadoop dont vous parlez, elle est développée par qui et Comment vous l'avez-vous intégré au programme du CNES? Alors, c'est une technologie du monde libre, c'est une technologie open source. Ça aussi, ça a joué parce qu'avoir des technologies capables de traiter des pétoctes et de données, dès qu'elles sont payantes, elles sont très chères. Et heureusement, les acteurs du web avaient eu cette problématique avant nous, ont développé cette technologie-là. Donc, c'est un consortium d'acteurs du web qui l'avait développé. Aujourd'hui, elle est supportée par une fondation qu'on appelle Fondation Apache pour les avertis, on va dire, les férus d'informatique. Alors nous, on l'a choisi, on a commencé à l'étudier en 2010. On l'a adopté en 2011, donc on a fait un an de prototype et d'essai pour choisir cette technologie-là parmi d'autres. Et simplement, ce qui est intéressant de noter, c'est que Facebook, qui est toujours, on va dire, à l'avant-garde des choix technologiques, a choisi cette technologie-là en 2011, c'est-à-dire en même temps que nous. Donc, au CNES, on a à peu près fait les mêmes choix que Facebook dans les mêmes échelles de temps. Donc là, la mission n'est pas encore lancée. Ce sera pour octobre ou novembre. Donc, j'imagine que, bon, évidemment, vous n'avez pas commencé les traitements. Vous en êtes où physiquement? À quel stade en êtes-vous? Est-ce que vous avez encore du temps pour finaliser vos process, vos logiciels, ou bien est-ce que tout doit être prêt le jour J, au moment où Gaïa va s'envoler à bord d'une fusée Soyouz? Alors, Gaïa va mettre, on va dire, un mois et demi à deux mois pour atteindre le point L2. Donc, on aura encore un mois, on va dire, pour apporter les dernières touches à la plateforme initiale. Parce qu'il faut bien voir que, au fur et à mesure que les volumétries vont grossir, que les données vont arriver, on aura des nouveaux traitements et donc les besoins en termes de stockage et de traitement vont augmenter. Donc, on a une approche incrémentale dans le centre de traitement. Donc, notre objectif, on est en train de mettre en place là en ce moment de déployer le matériel qui servira au moment des premiers traitements. Donc on est en phase de déploiement et d'installation des logiciels sur ce matériel-là. Ce ne sont que des premières versions de logiciels et on s'attend à ce que de toute manière pendant les premières semaines, les premiers mois, pendant ce que l'on appelle la phase de recette en vol, pendant le commissioning, on va découvrir des nouveaux effets, on va découvrir les vraies données, parce que pour l'instant on joue qu'avec des données de simulation. Quand les vraies données vont arriver, on aura certainement des choses à revoir encore dans les algorithmes et donc on s'attend à avoir une des premières versions vraiment opérationnel et figé que dans les premières semaines après réception des premières données. Donc cela va nous amener sur les premières semaines, dernière semaine 2013, première semaine 2014. Vous êtes nombreux d'ailleurs au DPCC à Toulouse pour traiter ces données? Alors on est nombreux, oui, et on a beaucoup, un gros centre de traitement, donc en termes de matériel et en termes de personnes pour l'opérer. D'autant plus important que le centre sera en opération tout en étant aussi en développement. Donc on a une équipe qui s'occupera d'opérer les chaînes existantes, les chaînes on va dire stables et matures, pendant qu'une autre équipe continue à intégrer des nouvelles chaînes. Donc en termes de personnes, l'équipe on doit être une quinzaine de personnes à travailler sur le développement du DPCC. Et on peut dire d'ailleurs que les Français, alors il y en a dans d'autres centres de calcul, et puis beaucoup de scientifiques aussi impliqués, je crois que la France représente la première contribution en termes de personnel à la mission Gaïa. C'est une des premières, oui. Je n'ai pas le nombre exactement, mais avec l'Italie notamment, on représente une très forte contribution à la mission Gaïa. Alors, vous avez expliqué qu'il y avait plusieurs centres de données. Comment se passent les échanges? J'imagine que vous, quand vous avez terminé un traitement sur un aspect, par exemple les objets exotiques, disons, il faut les communiquer aux autres centres. Ou est-ce que ça remonte à un niveau supérieur? Comment finalement ces données, vous les transmettez et à qui? Alors, on les transmet à un seul DPC, celui qui joue le rôle de hub, toujours le DPCE à l'ESAC, qui héberge ce que l'on appelle la main database, c'est-à-dire la base de données centrale, et donc qui a l'objectif d'intégrer et d'agréger les résultats de tous les DPC. Une fois que l'intégration est faite et que les résultats sont consolidés, les données d'un DPCX sont envoyées par le DPCE à tous les DPC qui se sont abonnés en tant que consommateurs, qui ont besoin de ces données-là pour aller plus loin dans leur traitement. Donc on est vraiment sur un schéma de hub avec des DPC satellites autour et toutes les données traitées produites passe par ce hub qui est le DPCE à Madrid. Et l'envoi des données de l'un vers l'autre, ça passe par Internet comme mon mail ou bien Ça, voilà. Si les mails ralentissent, c'est parce qu'on envoie des données. Non, exactement. On est plus sérieusement, on utilise les tuyaux Internet classiques. Alors, les DPC sont en général sur des réseaux. Nous, au CNES, on est sur le réseau Renater, donc on a quand même des bons débits de transfert. À titre d'exemple, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais aujourd'hui, avec les technologies actuelles, on transfère des données entre Madrid et le CNES à 250 ou 280 mégabits par seconde, c'est-à-dire qu'il faut quelques minutes pour envoyer une centaine de gigas. C'est déjà pas mal en 2013, et puis les réseaux vont augmenter, les capacités des réseaux vont augmenter. Vous comptez là-dessus, donc sur les 5 ans qui viennent, une augmentation des flux. Alors, de toute manière, la mission Gaïa depuis le début compte sur les progrès technologiques d'ici à la fin de la mission pour arriver à faire les traitements dans des bonnes conditions. Quand la mission a été imaginée a démarré en implémentation dans les années 2000, on espérait de toute manière que les volumétries stockables sur les disques durs augmentent, et c'est bien ce qui s'est passé, que la puissance des processeurs augmente, et c'est bien ce qui se passe, heureusement. Et en même temps, on espère aussi que les moyens réseaux auront des débits de plus en plus efficaces pour permettre de faire ces transferts-là. Pour se faire une idée d'ailleurs au DPCC, au CNES Toulouse, c'est quel volume que vous allez occuper, que vos ordinateurs vont occuper pour votre traitement de données ? Alors, on est en train donc d'installer la salle dans laquelle seront installées les machines. Donc il faut imaginer aujourd'hui 8 armoires dans lesquelles on va installer les ordinateurs. Les ordinateurs se présentent sous forme de tiroir en fait, dans lequel on met un certain nombre de serveurs et de processeurs de calcul, chacun ayant un certain nombre de cœurs. Et donc on empile comme ça les tiroirs d'ordinateurs. Aujourd'hui on estime à 8 armoires nécessaires. On a pris la marge et on a quand même dimensionné, parce que c'est pas tout de faire des calculs, mais il faut aussi alimenter les ordinateurs, il faut aussi refroidir ces ordinateurs-là. Donc on a dans le génie civil pour la mise en place du centre de calcul, on a estimé qu'on pouvait monter jusqu'à 16 armoires, c'est-à-dire doubler cette capacité initiale en fonction des complexités d'algorithmes, en fonction éventuellement de capacité de retraitement. Donc ça, voilà, ça représente une salle dans laquelle on va avoir 16 armoires au maximum. Est-ce que les données seront livrées, alors vous avez parlé du cas particulier des objets du système solaire et des alertes astéroïdes en temps réel quasiment, mais pour ce qui concerne les étoiles, est-ce que les données seront livrées en toute fin de mission ou est-ce qu'il est prévu quand même des livraisons aux scientifiques qui vont peut-être pas vouloir attendre 5 ans d'informations avant ça? Alors effectivement les scientifiques sont ont capitalisé, c'est-à-dire que là ils font du développement en faisant moins de science, donc ils auront accès à un catalogue, à plusieurs catalogues, on va dire au cours de la mission. Le premier étant prévu 18 mois, 20 mois après le début de la mission. Et puis il va y avoir plusieurs catalogues intermédiaires qui vont s'enchaîner avant le premier catalogue final, et puis il y aura du reprocessing derrière. Donc on s'attend à avoir les premiers catalogues, voilà, on va dire 2 ans après le début de la mission. Donc dans 2 ans à peu près, on aura déjà une indication de ce qu'a vu Gaïa. De ce qu'est en train de voir Gaïa. Très bien. Et finalement, dernière question quand même, la mission donc dure 5 ans pour le satellite. Est-ce que le traitement va se poursuivre longtemps au-delà? Vous avez une perspective du nombre d'années qui vous reste, disons, à travailler sur les données de Gaïa? Alors, les DPC sont engagés, et au CNES, on est engagé sur les 5 ans de la mission, plus 2 ans de retraitement. Donc, c'est-à-dire que, on va dire, de début 2014 pendant 5 ans jusqu'en 2019, donc on va recevoir des données que l'on va traiter. Et puis après, on prévoit pendant 2 ans encore de refaire des traitements. Alors, non plus des traitements journaliers parce qu'on ne recevra plus des données en temps réel, mais par contre, de refaire des traitements pour affiner et pour produire un dernier catalogue le plus fin et le plus précis possible. Donc, aujourd'hui, l'horizon, c'est de travailler sur les données Gaïa jusqu'en 2021, et c'est ce qui nous drive aujourd'hui dans les politiques d'approvisionnement et de déploiement des machines, être capable de faire tourner des machines jusqu'en 2021. Et c'est une problématique qui est entière parce qu'aujourd'hui une machine que l'on va acheter en 2014 a très peu de chances d'être encore en état de fonctionner en 2021. Il y a donc toute une politique de réapprovisionnement. En plus d'approvisionner des machines parce qu'on a la capacité de calcul qui augmente, il faudra aussi approvisionner des machines pour remplacer les premières machines qui ne seront plus maintenues ou maintenables. Donc un espèce de Lego géant qui se prépare pour les années qui viennent. Voilà, tout à fait. Très bien, écoutez, merci beaucoup Benoît Frezoul d'avoir accepté notre invitation sur Ciel et Espace Radio. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que la mesure des distances dans l'univers est le thème de la Nuit des Étoiles des 9, 10 et 11 août. Et d'ailleurs, le hashtag pour ceux qui sont sur Twitter ou Facebook, ce sera NDE 2013. Et je vous rappelle que vous pourrez trouver plus d'informations sur ce sujet dans le numéro d'août 2013 de Ciel et Espace. À bientôt sur la web radio de l'astronomie.